Le porte-parole du Comité national coréen pour la paix a lancé le 3 une communication. En voici le résumé. Il y a 59 ans que les États-Unis ont disposé en Corée du Sud les armes nucléaires et publié cette nouvelle. Ce sont eux qui ont déployé en grande quantité les armes et armements nucléaires de toutes sortes afin de la transformer en poudrière nucléaire, la plus grande du genre dans le monde. Et ce sont toujours eux qui se sont attachés à la menace et au chantage nucléaire inouï contre la Corée populaire, en la désignant comme cible de leur première frappe nucléaire et effectuant sans cesse les simulacres de guerre comme Key Reserve, Aigle et Uzi Freedom Guardian, selon les stratégies et plans de guerre nucléaire contre le Nord, notamment stratégie de dissuasion adéquate à 3 étapes et plan opérationnel 5015. Les autorités conservatrices pro-américaines successives ont collaboré activement à la disposition en Corée du Sud des dangereuses armes nucléaires capables d'exterminer à plusieurs centaines de reprises et aussi aux exercices de guerre nucléaire visant à précipiter la péninsule coréenne dans les horreurs d'une guerre nucléaire. À l'heure actuelle aussi, les bellicistes sud-coréens tentent d'inviter le secrétaire américain à la défense pour délibérer avec lui du simulacre de guerre nucléaire contre les compatriotes. La menace et le chantage nucléaire insensé des bellicistes américains et sud-coréens ont obligé notre République à posséder la dissuasion nucléaire pour ainsi sauvegarder la souveraineté du pays et le droit à l'existence de la nation. Aujourd'hui, nous sommes dotés des ogives nucléaires miniaturisées, légères et diversifiées, y compris celles de la bombe à hydrogène, et aussi des moyens de frappe stratégique dernier cri. C'est une mesure de défense légitime et le choix inévitable pour la protection de la paix. Si les États-Unis et les autorités sud-coréennes n'avaient pas menacé notre République avec les armes nucléaires qu'ils ont introduites en Corée du Sud, nous n'aurions pas choisi la possession des armes nucléaires ni l'amélioration de leurs capacités. Avant de parler de la menace nucléaire de notre pays, Washington et Séoul doivent réfléchir sérieusement à leur crime d'avoir disposé les armes nucléaires dans la péninsule coréenne et effectuer frénétiquement les exercices de guerre nucléaire. Au lieu de prétendre la dénucléarisation du Nord en parlant ridiculement de sa menace nucléaire et de sa provocation, il doit faire précéder la publication et le retrait de toutes les armes nucléaires déployées dans la péninsule coréenne, ainsi que la dénucléarisation de la Corée du Sud qui doit être vérifiée devant le monde entier. Également, ils doivent interrompre toutes sortes de simulacres de guerre nucléaire contre le Nord sous la mobilisation des moyens d'attaque nucléaire dans la péninsule coréenne et à ses alentours, retirer les troupes américaines de la Corée du Sud et promettre sérieusement de ne plus menacer le Nord avec les armes nucléaires. Tant que les États-Unis et leurs suivistes s'adonnent à la menace et au chantage nucléaire sans arrêter leur campagne d'exercice de guerre sous couvert annuel devant notre porte, en dépit de nos avertissements réitérés, nous continuerons à accroître notre potentiel d'autodéfense axé sur les forces nucléaires et notre capacité d'attaque préventive en prenant successivement toutes les mesures faisant date au niveau de la puissance nucléaire, puissance militaire de l'Orient.